je donne, je donne, je donne, je donne, je donnerai ma chemise à Olga. Je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donnerai mon lit à Léonard. Je donne et je sème à tous les vents. Je donne à la vie et je donne, oui, je donne au présent. Je donne et je sème à tous les vents. Je donne mon cœur à Marie et mon corps à Nathalie. Je donne, je donne. Je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donnerai mes yeux pour Alicia. Je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Je donnerai ma guitare à Dora. Je donne et je sème à tous les vents. Je donne la vie et je donne, oui, je donne au présent. Je donne et je sème à tous les vents. Je donne mon cœur à Marie et mon corps à Valérie. Je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donnerai ma vie pour Ophélie. Je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne.